Toujours en Corée, l'Institut central des champignons de l'Académie nationale des sciences a mis au point le système de vulgarisation à longue distance de la technique de culture des champignons et l'a établi aux champignonnières de chaque province et de chaque ville. Ce système permet de dialoguer avec des spécialistes à la vidéoconférence pour obtenir les conseils. À partir d'une conception nouvelle, l'Institut a réglé des problèmes posés par l'établissement de la base de données et l'élaboration de programmes. Le système contribuera à accélérer la scientifisation et l'informatisation de la culture des champignons et à intensifier la production.